Bonjour et bienvenue, ou bonsoir, bonne nuit, sur les sciences du Mirail. Aujourd'hui, un épisode spécial histoire de l'art et doctorat. Parce que nous avons, parmi nous sur le plateau, nous avons trois doctorants qui sont venus présenter leurs recherches. Alors, nous avons Émeric Rigaud, Élodie Lebeau et Céline Truchot. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de avant de commencer plus en détail sur vous, ce que vous faites en recherche, juste l'histoire de l'art, qu'est-ce que c'est? Ce Alors, sont vos cours. on va le faire plutôt comme ça. L'histoire de l'art, qu'est-ce que ça, c'est quoi le champ disciplinaire, les limites de l'histoire de l'art, par exemple par rapport à, si on trouve des objets dans le sol comme l'archéologie ou si on trouve des textes comme l'histoire, c'est quoi les limites d'un historien de l'art? Émeric, tu as l'air de... Oui, l'histoire de l'art, c'est l'étude chronologique des productions artistiques. Et les productions artistiques, c'est très large en fait. Moi, j'entends enfin les productions archéologiques aussi dedans. Donc, après, mais sinon, production artistique, ça peut être l'architecture, l'urbanisme, la sculpture, la peinture, le dessin. Et puis, si on entend aussi l'histoire des arts au sens large, on peut aussi ajouter tout ce qui est vidéo, danse, musique au pluriel aussi. En fait, ça peut être très large du Ah, tout coup. le web va rentrer C'est dedans. ça, ouais. Et sinon, c'est l'histoire de l'art plastique. Alors, si on se limite vraiment à tout ce qui est peinture, sculpture au sens plus traditionnel, en fait, où on l'entend. Et vas-y. Oui, moi je voulais rajouter quelque chose parce que c'est vrai que c'est très différent en fonction des époques. Moi, par exemple, je suis doctorante en histoire de l'art contemporain, Aymeric en médiéval et Céline En en antiquité. antiquité, tout à fait. Donc moi, c'est des sujets aussi qui se différencient un peu aussi des catégories sculpture, peinture, par exemple, parce que dans la seconde moitié du XXe siècle, vous avez énormément modes de création qui vont venir entrer en innovation par rapport à ces pratiques antérieures, comme les performances, même l'utilisation des matériaux pauvres, enfin toute une révolution vis-à-vis des matériaux qu'on utilise. Donc ça aussi, ça peut entrer aussi dans ce champ d'études. Et du coup, comment ça s'étudie un objet artistique, comment ça s'étudie? C'est quoi la méthode d'un historien, historienne de l'art? Il y a plusieurs méthodes en fait selon les disciplines. Je pense qu'on ne travaille pas forcément de la même manière, par exemple en contemporain et en antiquité, pour prendre deux extrêmes. Pour l'antique, enfin, déjà ça dépend parce que disons qu'il y a plusieurs types de recherches, même en histoire de l'art. Il y a des études qui peuvent se concentrer plus sur le côté, toute l'étude justement des courants artistiques en eux-mêmes. Dans d'autres cas, on peut notamment tout ce qui est croisé avec l'archéologie, plutôt se centrer sur les objets et ce qu'ils vont nous révéler en fait des pratiques artistiques de l'époque et donc du contexte culturel en fait, de l'histoire culturelle. Donc là aussi, les méthodes sont un petit peu différentes, mais généralement, je pense que le point commun à toutes les branches, c'est qu'on va partir véritablement de l'objet et à partir de là, voilà, voir ce qu'il a à nous dire et c'est peut-être en ça où ça diffère de l'histoire pure qui va partir plutôt du texte. Du coup, voyons. Là, toi, ta méthode, c'est quoi? Alors, pour ma part, je travaille sur des portraits. Donc, je vais partir de ces portraits-là. Donc, créer donc un corpus de portraits, donc un catalogue recensant tous les portraits sur mon sujet. Et donc, à partir de là, dresser une typologie, faire une comparaison de ces différents types de portraits selon tout simplement ce qui apparaît. Donc, moi, je travaille sur une coiffure. Donc, quelle forme prend cette coiffure? Quelle est sa forme plastique? Et à partir de là, essayer de faire des comparaisons chronologiques, géographiques, culturelles, etc. Et à partir de là, tirer des conclusions. Et du coup, une typologie, ça veut dire que si un jour une fouille archéologique ressort un nouveau portrait, tu sauras immédiatement où le mettre dans ta typologie. Voilà, c'est l'idée. Est-ce que c'est la même chose pour toi, Émeric? Ouais, grosso modo, oui, il y a aussi un corpus à faire au départ. et qu'on va ensuite exploiter. Après, la petite différence, peut-être par rapport à Céline sur l'Antiquité, c'est que moi, je travaille sur l'art monumental, donc pas forcément le mobilier isolé, mais donc du coup, donc, il y a une remise en contexte architectural qui est à faire quasiment systématiquement, en fait. Il faut, donc, il y a des images à localiser, un corpus à réaliser, et ensuite, quasiment après, tout juste après, remettre dans le contexte architectural, donc là, en l'occurrence, des églises médiévales, dans lesquelles ça s'inscrit, en fait. Mais sinon, c'est très proche, effectivement, il y a aussi un jeu de comparaison qui se fait aussi très rapidement après. Et du coup ? Oui, moi je travaille sur un sujet assez transdisciplinaire, disons, puisque je travaille sur un musée qui est parti en exil pendant la dictature chilienne, qui a été un musée donc initié durant l'unité populaire de Salvador Allende, pour recontextualiser. Et du coup, moi je pars donc du corpus, de la collection de ce musée qui va être créé à l'extérieur du Chili, parce qu'il y a une collection avant, durant l'unité populaire, donc des œuvres qui sont venues au Chili, d'artistes qui ont donné des œuvres en solidarité avec l'unité populaire. Et puis ensuite, les protagonistes qui ont été poussés à l'exil, en quelque sorte, puisque la dictature était vraiment réprimée, enfin, elle réprimait beaucoup les intellectuels et les artistes. Et du coup, ils ont réinitié ce projet de musée en exil, donc dans plusieurs pays du monde. Et c'est dans ce cas-là donc, que les artistes ont redonné une œuvre en solidarité, et là, cette fois avec la résistance chilienne. Donc je pars à la fois des œuvres qui ont été données et également du contexte forcément historique et politique. Donc moi, je touche même parfois la psychologie, hein, puisque je parle de l'exil. Donc c'est très vaste et c'est aussi... je pense que c'est aussi l'intérêt de l'histoire de l'art, c'est que ça touche vraiment à énormément de disciplines et du coup, on n'est jamais vraiment déçu, on n'arrive jamais finalement au bout d'un sujet. Hein. Il y a toujours des choses à creuser. Ça commence par cette petite œuvre d'art et après ça s'étend au fur et à mesure. D'accord. Et du coup, comment vous en êtes arrivé à vous dans la discipline ? Comment ça s'est passé ? Là, vous êtes doctorant, vous avez fait avant un master, je présume, oui, en histoire de l'art. Et est-ce que c'était sur le même sujet, la même thématique que celle que vous avez actuellement ? Pour ma part, pas exactement, en fait. Donc, j'ai fait un master qui était donc sur un sujet, donc dans mon cas, c'était des portraits de momies, des portraits du Fayoum. Je travaillais déjà sur la thématique de l'enfance. Je travaille sur des portraits d'enfants actuellement, donc il y avait des points communs. Et d'ailleurs, les portraits sur lesquels j'ai travaillé en master sont une partie de mon corpus actuel. Mais ce qui s'est passé donc, dans mon cas, donc, j'ai fait ce master sur des aspects religieux et sociaux qui apparaissaient dans les portraits de momies, portraits du Fayoum chez les enfants. Et ensuite, je me suis spécialisée donc, sur une coiffure qui a une signification à la fois religieuse et sociale et qui s'est étendue donc, cette fois-ci donc, plus seulement à ce corpus de portraits de momies, mais à l'ensemble des productions artistiques de l'époque. Donc voilà, sculpture et autres. Donc tu es partie d'un point de détail que tu as étendu sur tout le monde gréco-romain. Je suis partie d'un point qui à la base faisait un paragraphe de mon mémoire de M2 et qui est devenu en fait mon sujet de thèse. Donc plusieurs centaines de pages en perspective. Oui, voilà, tout à fait. Et du coup ben moi, c'est un peu la même chose également. C'était pas le même sujet en mémoire, enfin en master et en thèse. Donc moi, j'ai fait le mémoire sur le sacrifice d'Abraham dans l'art roman. Et donc ensuite, je suis passée en thèse sur le banquet d'Hérode, donc la mort de Saint-Jean-Baptiste, toujours dans l'art roman, donc on reste dans une même fourchette chronologique, mais le sujet est différent. Et par contre, donc en master, en fait, je me suis intéressée à des thématiques que je vais retrouver donc, en thèse, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, en fait. Le sujet est différent, mais par contre, les thématiques, en général, sont les mêmes, c'est-à-dire la mort, le martyr dans l'art médiéval, et puis également tous les liens qui sont faits entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans l'art religieux, en fait. Donc les thématiques sont générales, les mêmes, je veux dire, et par contre, le sujet n'est pas effectivement le même. Et ce qui est intéressant, c'est que moi aussi, au départ, c'était un paragraphe dans mon mémoire qui ensuite s'est transformé en sujet de thèse, en fait. D'accord. Un paragraphe aussi, du coup Pas vraiment, mais approximativement. Je ne sais pas si Céline et Aymeric avaient envisagé en master déjà de faire une thèse, mais moi, c'était mon cas. Donc, je me suis en quelque sorte profité de ce master pour avancer dans mon projet de thèse. Donc, j'ai étudié le cas du comité français du musée en exil. Il y a eu des comités dans plusieurs pays du monde. Et donc, j'ai déjà fait largement le tour et puis aussi initier le paragraphe que je vais consacrer à l'histoire du musée plus généralement. Donc, voilà, maintenant j'agrandis à l'international et à tous les autres comités qui ont existé dans le monde. Du coup, c'était une pré-thèse, en fait. Le master, c'était vraiment le chapitre que tu avais déjà préparé de ta thèse, et ensuite... En quelque sorte, mais je pense que je vais quand même le réajuster pour la thèse. Alors, du coup, là, en thèse, vous n'en êtes pas au même, actuellement au même niveau. Vous avez commencé à une année différente. Vous en êtes où actuellement, là, de la thèse? Moi, je suis en cinquième année de thèse. Je ne sais pas pour vous. Moi, je suis en deuxième. J'ai commencé l'année dernière. Et moi, première année. Je commence Oui. à peine. D'accord, on a tous les cas de figure. Ben, c'est parfait. Alors, ça fait quoi de commencer? Alors, c'est assez compliqué. Bon, déjà, moi, j'ai quand même un temps d'avance, hein, puisque j'ai fait mon mémoire sur le même sujet. Mais là, je donne également des cours à la faculté. Donc, je prends beaucoup de mon temps pour préparer ces cours-là et je n'ai pas trop le temps de préparer ma thèse pour le moment. Mais bon, j'essaie quand même de passer enfin de présenter des communications dans d'autres universités pour avancer petit à petit sur ce sujet-là. Mais là, pour le moment, c'est encore assez brouillon dans ma tête. Mais du coup, est-ce que c'était pareil pour toi? Vous êtes déjà enseignant-chercheur, en fait. Vous faites déjà de l'enseignement et de la recherche en même temps. Oui, plus ou moins. En fait, ça fait partie aussi du cursus de thèse où, disons que si ensuite on veut pouvoir être enseignant-chercheur, il faut qu'on ait donné des cours pendant ces années de doctorat. Et alors, du coup, et Emeric, où on est pareil, tu développes. Ça fait quoi d'être au milieu? Ouais, ça fait quoi? Voilà. Et ben, pareil, c'est pas super, mais, bah c'est pareil en fait. Il y a le même problème des cours à préparer aussi, qui prend quand même du temps, faut bien l'avouer, même si souvent les profs, etc., nous aident, on n'est pas non plus complètement isolés. Mais voilà, il faut quand même les préparer, il faut quand même assurer de bons cours. Et par contre, je pense que c'est une nouveauté par rapport à l'ancienne génération, entre guillemets, pour Céline, c'est que maintenant on a ce qu'on appelle le comité de suivi de thèse, en fait, qui est systématique. Avant, ce n'était pas forcément le cas, maintenant c'est systématique. À partir de la deuxième année, en fait, on a un deuxième prof ou un troisième, ça dépend, qui vient s'ajouter donc au professeur qui nous encadrait, plus ponctuellement, en général c'est 2 ou 3 fois par thèse en tout, et qui vient du coup contrôler, savoir comment ça se passe, en fait, au niveau à la fois de l'ambiance avec le prof, les profs qui nous encadrent, et puis aussi d'un point de vue plus scientifique. Donc, du coup, on est peut-être un tout petit peu moins dans le vague qu'en première année, et on a une première échéance qui se rapproche. Donc voilà, on a une sorte de petite pression qui commence à s'ajouter un petit peu, en fait. Et déjà, pas forcément des résultats à rendre en papier, je veux dire en texte, mais quand même déjà quand même quelques petits résultats à rendre quand même un petit peu. D'accord, donc il y a le directeur de thèse et il y a C'est quelqu'un ça. qui s'y rajoute. C'est ça. Voire plusieurs personnes. C'est ça. D'accord. Et donc tu as eu ce comité de suivi. Oui, j'ai eu. Je ne suis pas si vieille que ça, j'ai eu quand même. Donc, effectivement, c'est assez utile parce que ça permet de fixer un peu les premières errances des 2 premières années où, généralement, on essaie déjà de comprendre ce que c'est la thèse au juste et ce qu'on attend de nous. C'est un peu. Déjà, ça, c'est compliqué. Et puis, effectivement, il y a plein d'autres choses auxquelles on n'est pas formé qui se rajoutent. Donc, que ce soit les cours ou tout ce qui appelle la communication et demande de financement et autres, tout un monde merveilleux qui s'ouvre à nous. Donc, c'est déjà un peu compliqué. Mais du coup, vous avez quand même un rapport quotidien avec votre directeur de thèse, en tout cas un suivi qui vous donne des conseils, qui vient vous voir régulièrement. Normalement, oui. Oui, Dans oui. l'idéal, c'est comme ça que se passe. Peut-être pas quotidien, mais Oui. hebdomadaire ou mensuel, mais régulier, en tout cas, ouais. Tout à fait. D'accord. Et du coup, là, en quatrième année, tu en es cinquième même. Là, Cinquième, oui. donc là, c'est tu as avancé un peu plus. Tu en es Oui. plus aux prémices. Non, pas du tout. Je suis même plutôt sur la fin, puisque là, je suis censée, enfin, non, je dois soutenir avant la fin de l'année, donc avant, d'ici décembre. Du coup, je suis plutôt dans les dernières étapes de rédaction et donc la fin de la souffrance du doctorant. D'accord. Donc là, la fin de l'écriture et les corrections qui vont devoir être faites dessus. Tout à fait. Donc il y a combien de relectures sur une thèse? Beaucoup au final, parce que entre donc la première version qu'on fait, qu'on envoie au directeur, qui nous le renvoie, qu'on va recorriger, jusqu'à arriver à un premier manuscrit plus ou moins final qu'on va envoyer à d'autres correcteurs qui vont nous le renvoyer, et là qu'on va devoir. Au final, c'est un bébé qui va connaître plein de versions différentes. Mais qui va au final qui va naître. Oui, il faut. Du coup, décembre, il y aura pour toi une soutenance sur un moment où tu vas présenter ta thèse. Tout à fait. Il y a une soutenance donc qui va avoir lieu donc début décembre, qui se tient donc avec donc un jury qui est composé donc généralement c'est entre 5 à 6 personnes. Donc il y a le directeur de thèse, il y a une autre personne normalement de l'université et des extérieurs. Et comment sont choisis ces extérieurs? Alors ça se fait en accord avec le directeur de thèse. Et donc l'idée c'est de créer donc un jury qui soit le plus représentatif possible. Donc, qui puisse couvrir tous les aspects de la thèse pour qu'il y ait, donc, dans l'idéal, une vraie discussion autour, que ce soit voilà, le plus constructif possible, puisqu'en fait, cette soutenance, elle est quand même très importante parce que c'est elle qui va déterminer, autant son issue que les rapports en fait, hein, qui vont en découler, elle va déterminer en fait, notre carrière derrière, en fait. Voilà, Wow, donc, la grosse pression. échéance. Pas de pression du tout. Bon, et du coup, chacun de ces, c'est une partie de ces spécialistes, est-ce que tu les as toi déjà vus et rencontrés quand tu as commencé à chercher sur ta thèse, puisqu'ils bossent sur des problématiques proches des tiennes? Pas forcément, non. Ça peut être. Enfin, dans mon cas, je sais qu'il y a des personnes que je connais, avec qui j'ai déjà pu communiquer. D'autres personnes dont je connais les travaux, mais que je n'ai pas rencontrées jusqu'à présent. Je pense que ça dépend un peu des sujets. Il y en a effectivement où il y a eu des collaborations étroites, d'autres beaucoup moins. Ils vont se retrouver dans la bibliographie déjà de la thèse. Voilà. Petite mention, oui. D'accord. Et du coup, après la thèse, qu'est-ce qu'il y a? Ah, la grande question. Bah après, je pense que là aussi, je pense que pour la peine, c'est commun à toutes les périodes. On a plusieurs phases. Donc, la première démarche à faire après la thèse, c'est déposer un dossier pour obtenir une qualification donc auprès du Conseil national des universités. Qualification qui va permettre d'obtenir donc le titre, en fait, la qualification qui permet de postuler sur des postes de maître de conf, de maître de conférence, un peu partout en France. Et comme on n'a jamais, enfin, je ne connais pas d'exemple personnellement, de poste juste après avoir terminé une thèse, il s'ensuit donc une période où on va donc plutôt faire plusieurs, on va cumuler des post-doctorats, donc des bourses de recherche ou des bourses d'enseignement dans des, enfin des allocations d'enseignement dans d'autres universités. Sur les mêmes sujets que ce que on a travaillé avant. Oui, ou du moins en partie, parce qu'après, ça peut être aussi des. Là encore une fois, ça peut effectivement aussi partir d'un paragraphe ou d'un chapitre qu'on va développer différemment en fonction donc des appels, puisque là, on va plutôt. Là, on va vraiment répondre en fait à des appels en fait qui vont être faits. Postuler à des C'est offres qui ça. se font dans les différents labos. Voilà, en fonction des thématiques de recherche qui sont définies par ces labos. Donc, c'est là où il faut essayer donc de tourner son sujet de manière à bien rentrer dans quelque chose, dans une thématique. Mais là, du coup, vos sujets de thèse, ils sont déjà pas un peu déjà ancrés dans des problématiques des labos d'ici et de vos enseignants-chercheurs? Oui, enfin, oui, normalement, justement, ça se définit. Déjà, voilà, on est forcément lié à notre directeur qui a orienté le sujet et. Comme on fait aussi partie d'un laboratoire, c'est déjà lié à ces thématiques-là. Mais la possibilité de faire un post-doctorat dans le labo où on a fait notre thèse, c'est quand même assez rare, d'où le fait d'ouvrir en fait notre recherche à d'autres thématiques. Ouais, je voulais rebondir là-dessus justement parce qu'il faut aussi se dire qu'il y a des postdoctorats à l'étranger, qu'on n'est pas seulement, on n'est pas seulement éligible dans des universités françaises et notamment dans des cas, bon, la plupart du temps, c'est quand des sujets se prêtent à l'international, mais ça peut aussi, bon, ça c'est mon cas par exemple, mais c'est vrai que ça peut amener aussi énormément de compétences pour les jeunes docteurs pour qu'ensuite ils puissent candidater comme maître de conférence dans des universités françaises s'ils veulent retourner en France. Voilà, notamment l'apprentissage des langues, l'enseignement dans une langue étrangère, c'est quand même des choses très importantes. À rajouter sur le CV. Avec les sujets enfin, tu as un sujet plutôt international, du coup, toi, tu dois regarder la recherche telle qu'elle se fait dans le monde entier autour de ce musée itinérant. En exil ? Tout à fait. Alors, il y a très peu d'études qui ont été faites sur ça. Il y a une thèse sur le musée lorsqu'il était implanté à Santiago, donc durant les années 70-73, avant le coup d'État. Mais il n'y a pas eu de thèse ou de travaux universitaires sur la période de l'exil. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce sujet. Bah, c'est un sujet très novateur. Et j'essaie de l'intégrer à des problématiques des sciences sociales actuelles, comme les postcolonial studies, les études postcoloniales, ou encore les global studies, donc cette idée de lien entre des problématiques internationales, mondiales, et également ce qui se fait sur le local, voilà, les interactions entre local et global. Donc c'est mon cas, puisqu'il y a beaucoup de contextes différents que je vais traiter. Par exemple, le musée a été implanté en France, au Mexique, à Cuba, donc c'est des contextes très très différents. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi ces pays ont accueilli ce musée, quelles étaient leurs affinités vis-à-vis de l'unité populaire, etc. Voilà. Il y a un contexte d'implantation. Le musée, du coup, est invité ? Comment ça se passe ? Alors, la plupart du temps, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les protagonistes sont partis en exil. Et il y a donc de nombreux pays qui ont accueilli les exilés chiliens. C'était des exilés intellectuels, politiques, artistiques, donc... des personnes en général avec un bagage culturel important. Et donc, en général, ces personnes qui se sont exilées dans les pays comme la France ou le Mexique ont parfois décidé donc de organiser la résistance par les arts, à travers les arts, que ce soit musicaux, artistiques, etc., enfin visuels, arts visuels. Et donc, la plupart du temps, ce sont eux qui ont décidé d'ouvrir en quelque sorte un comité dans ce pays-là, puisqu'ils étaient exilés. D'accord. Et ce musée, il s'est terminé quand ? Alors, il n'est pas terminé puisque après la dictature, toutes les œuvres qui ont été récoltées pendant l'exil sont parties au Chili. Et aujourd'hui, elles forment une collection à Santiago, donc dans la capitale, d'un musée donc, qui s'appelle le Musée de la Solidarité Salvador Allende. Donc, après que Salvador Allende, qui voulait faire son musée, n'a pas pu le faire. Il y a eu ce musée en exil, et puis finalement, le musée est revenu, s'est mis... Voilà, c'était un projet initial qui a finalement pu aboutir après la dictature. Il y a des histoires qui se terminent bien. Oui, heureusement. Alors, et du coup, on va parler d'une histoire qui s'est mal terminée, du coup, l'histoire de Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Saint-Jean-Baptiste ? Le pauvre Saint-Jean-Baptiste s'est fait décapiter. Et parce qu'il a osé condamner l'inceste du couple royal Hérode et Hérodiade, c'est une scène qu'on connaît bien, pas forcément pour le Moyen-Âge, mais aussi dans les arts, je sais pas, dans des peintures du Caravage par exemple, ou à la fin du 19e siècle. Et c'est en l'occurrence, pour être précis, la danse de Salomé qui a entraîné tous ces événements, la danse qui a fait que le roi Hérode a été un petit peu émoustillé, et qui a ensuite demandé donc, de faire décapiter Jean-Baptiste en fait. Et ce qui est intéressant pour rebondir sur la remarque précédente, c'est qu'en fait, même si on a un sujet super différent, on a des méthodes quand même qui se retrouvent, qui se croisent, parce que donc moi aussi je travaille à une échelle alors moins internationale, mais à l'échelle de l'Europe occidentale, ce qui est quand même assez large. Et donc moi aussi, je me balade, en tout cas pour l'instant, dans les livres d'une région à l'autre, de la Bretagne à l'Écosse, de l'Italie au Portugal, enfin j'essaye en tout cas. Et ce qui est intéressant là encore, c'est qu'il y a aussi des croisements au niveau des disciplines, parce qu'en fait depuis... On va dire au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis l'après-guerre, en fait, il y a vraiment un phénomène d'ouverture, d'interdisciplinarité. C'est un mot qui est vachement à la mode en ce moment. Et on croise maintenant les disciplines. Alors là, il y avait de la psychologie, si je me souviens, c'est à côté. Et donc moi, je travaille aussi sur tout ce qui est anthropologie, en fait. L'anthropologie et la question de l'image, en fait. La question de la fonction de l'image, en fait, dans la société. Donc une question qui pourrait être très, très actuelle, mais qui est aussi finalement assez actuelle au Moyen-Âge, en fait. Et donc sur la fonction que peuvent avoir ces images, dans la société médiévale, en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis là-dedans, sur un petit chapiteau, la danse de Salomé ? C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Qui l'a commandé déjà ? Qui l'a reçu, cette image ? Qui en est le spectateur ? Et qu'est-ce que ça nous dit sur la société, en fait, qui en est le spectateur, justement ? Mais du coup, il n'y a pas d'anthropologue qui a pu bosser dessus. Là, tu dois t'appuyer sur des textes historiques. C'est ça, voilà. Quand même, on n'est pas, même si on est historien de l'art, on n'est pas non plus anti-texte, entre guillemets. On se penche également, bien sûr, sur les textes, sur d'autres sources archéologiques, textuelles, voire audiovisuelles pour l'époque les plus récentes. Et bien sûr, on peut également croiser les sources et voir ce qui se passe du côté des textes. Et ce qui est intéressant, c'est quand justement, on retrouve des mêmes résultats, à la fois des mêmes observations du côté iconographique, du côté plastique et du côté textuel, en fait. Il y a des fois où ça se contredit ? Dans mon cas, non. J'ai de la chance, mais ça peut se contredire, bien sûr. Et c'est aussi tout à fait intéressant, d'ailleurs. Et moi, pour ajouter une source par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que bon, moi, j'ai cette chance de travailler sur un sujet contemporain. Donc, j'ai pu également m'entretenir avec des artistes qui ont participé au projet. Et là, pour le coup, ça peut éventuellement se contredire puisque les avis, bon, en plus, évoluent. Ils n'ont pas forcément les mêmes préoccupations politiques que dans les années 70. Donc, ça peut se contredire aussi avec ce qui a été écrit dans les années voilà, qui m'intéressent. Est-ce qu'on a eu des écritures? Est-ce que les gens ont écrit sur la coiffure des enfants? Pas vraiment, justement. Enfin, personnellement, j'ai un sujet qui, du coup, est un peu à l'opposé là-dessus, parce qu'un de mes grands soucis, c'est justement l'absence de contexte. Parce que je travaille sur des œuvres, donc là aussi, effectivement, c'est un sujet qui se pense à l'international, car mes œuvres, en fait, sont dispersées dans le monde entier. Donc, effectivement, ça oblige à se déplacer, à être en contact avec des musées, des institutions un peu partout dans le monde. Par contre, effectivement, le souci que j'ai, par exemple, sur mon sujet, donc sur les portraits sur lesquels je travaille, c'est qu'ils sont issus, en fait, enfin, ils ont été découverts dans des fouilles qui sont assez anciennes. Donc, on manque de contexte archéologique et souvent de contexte tout court, parce que c'est des portraits qui ont pu être déplacés, qui ont été réutilisés. Donc, pour la peine, voilà, toute cette partie contexte et qui ont été peu cités dans les textes, parce qu'en fait, bon, les enfants, à l'époque, c'était pas non plus le sujet principal d'intérêt. Donc Et du coup, cette coiffure, cette natte, tu ne la retrouves que dans les portraits du Fayoum? Non, je la retrouve sur un grand nombre de supports. En fait, en réalité, c'est beaucoup plus répandu qu'on ce qu'on pourrait imaginer. Ça compose quand même 10% en fait des portraits d'enfants qu'on a pu retrouver dans le monde. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je la retrouve donc effectivement sur ces portraits du Fayoum qui sont des portraits peints, donc sur de la peinture, mais également donc sur des sarcophages, des sculptures en ronde bosse, donc des sculptures, des pièces de monnaie aussi. On peut la retrouver donc vraiment sur des bijoux. Donc il y a vraiment des supports qui sont très très variés. Et du coup, elle a une signification, cette coiffure particulière? Oui, bah oui, c'est justement toute la question. C'est que donc elle a une signification, donc mèche d'Horus, donc c'est le terme qu'on emploie un petit peu à tort pour la désigner, car effectivement, elle est liée à un dieu, donc le dieu Horus, qui est un dieu égyptien. Donc, elle a une signification qui est religieuse, mais elle a aussi une signification sociale. On sait donc qu'elle était liée à un âge, déjà à une classe d'âge, probablement à la jeunesse, à l'enfance, mais qu'elle était aussi liée à certains groupes sociaux, qui sont une certaine élite, et qu'il y avait aussi donc certainement une revendication aussi peut-être identitaire derrière. Donc voilà, c'est un symbole qui est multiple et qui a pas mal de ramifications. Donc il y a tout un volet social à étudier. Voilà, tout à fait. Ben, c'est un petit peu ce que disait Aymeric aussi hein, par rapport à son sujet. Je pense que l'histoire de l'art, c'est pas forcément effectivement centré que sur les objets. Il y a toute une portée donc, anthropologique, parce qu'à un moment, effectivement, tous ces objets, ils ont une destination et ils représentent aussi... Ils sont un petit peu le reflet donc, de ceux qui les ont commandés, de la société dans laquelle ils ont été, pour lesquels la société dans laquelle ils ont été créés. Donc voilà, il y a tout ce côté un petit peu anthropologique, social qui apparaît. Et du coup, au cours la thèse que tu as écrite, ça, tu commences en mettant d'abord les objets de ton corpus et ensuite tu développes sur ces différents aspects. Oui, c'est ça. En fait, je pars de cette typologie, comme je disais tout à l'heure, de cette étude de l'objet lui-même. Et après, j'essaie effectivement de voir en fait un petit peu plus loin, en voyant en fait, par exemple, donc puisque je travaille sur les enfants, qu'en est-il de la place de l'enfant? De quelle manière cette mèche de cheveux peut résonner avec l'histoire de l'enfance, etc. Et y a-t-il une conclusion du coup? Ah, oui, et il faut bien à un moment aboutir à une conclusion. Je pense que c'est ce qu'on essaie tous d'avoir. Et c'est là où il faut faire aussi attention à ne pas chercher non plus à être trop définitif. Enfin, dans mon cas, effectivement, c'est donc savoir si donc on est bien dans un symbole vraiment religieux ou pas. Personnellement, pour ma part, la réponse est assez nuancée. Ça dépend effectivement des contextes, des endroits, des périodes aussi. Elle a changé de signification en cours de route. C'est ça. En fait, parce que donc, voilà, dans mon cas, ça se mêle à tout ce qui est donc, la question en fait, des sacrifices capillaires, qui était déjà très présente dans les religions antiques. Et donc, c'est une pratique de sacrifice capillaire supplémentaire et qui peut donc se mêler à des cultures locales. Du coup, c'est une question qui est assez complexe et qui doit être un petit peu analysée au cas par cas. C'est pareil pour le banquet, il a changé de signification en cours de route dans le Moyen Âge. Mais je ne sais pas encore vraiment. Études en cours. Sachant que moi, je me limite au Moyen Âge central, donc en gros 9e, 13e siècle, ce qui reste quand même une période assez large. Et actuellement, je ne peux pas te dire s'il a vraiment changé de signification ou pas. L'une des particularités de l'art médiéval, c'est que ça reste constant d'un siècle à l'autre, en fait. La forme peut changer, mais la signification reste souvent la même, en fait. Donc, je pense quand même, sans vouloir trop m'avancer, je pense qu'en fonction des commanditaires, en fonction du contexte religieux qui a quand même beaucoup varié, en fonction de différents courants, pardon, hérétiques, polémiques, etc., on a pu réaffirmer telle ou telle notion, tel ou tel dogme qui est sous-jacent dans cette image. Par contre, de là à te dire précisément sa signification au fil des siècles, pour bon, l'instant, c'est en stand-by. Voilà, c'est les recherches qui vont venir C'est au ça. fur et à mesure. Et recherche du coup pour toi aussi en cours? Alors oui, recherche en cours, mais je peux dire déjà que aussi le musée a changé de signification puisque c'était un projet très expérimental au départ qui voulait offrir à l'Amérique latine une belle collection d'art moderne et contemporain et un projet qui se disait vraiment socialiste au départ et qui aujourd'hui, donc après les bouleversements idéologiques dus à la chute du mur de Berlin, à l'effondrement des pays de l'Est communistes, etc. Aujourd'hui est plus un lieu de mémoire et d'histoire sur l'unité populaire, la dictature, donc à travers les productions des artistes de l'époque. Ok, les œuvres d'art qui évoluent, et donc vous êtes ceux qui voient cette évolution devant vos yeux. Eh bien, je vais pouvoir du coup vous remercier de Merci à vous. venir, Merci à vous. de souhaiter une bonne soutenance. Merci. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot à dire à tes deux camarades qui sont en cours de route Courage. Oui, d'errance? voilà, bon courage. Tenez bon. Accrochez-vous. Vous y arriverez. On y arrive tous. Eh bien, on y arrive tous. Voilà, ça c'est le mot de conclusion de cette émission. Je remercie encore Étienne et Solène pour avoir toute la partie technique de cette émission. Il faut le savoir, il y a une grande partie technique à cette émission. Voilà. Je remercie encore la Maison des Initiatives étudiantes qui nous prête ces locaux pour pouvoir enregistrer cette émission. Eh bien, bonne chance à tous.